Encore un week-end solitaire, encore deux jours à ne rien faire, sauf à penser à toi toute la journée. Encore un week-end tout pourri, un week-end à attendre lundi pour avoir de tes caresses et de tes fesses. Oh, oh, oh, j'attends le soir. Et oh, oh, oh, quand tout est noir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, et je prie pour te revoir. Encore un week-end solitaire, à réviser mes cours d'histoire et à voir tes mots d'amour oui, sur mes cours. Encore un week-end tout pourri, à t'aimer toi plus que ma vie, à penser à mourir seul dans ma chambre. Oh, oh, oh, j'attends le soir. Et oh, oh, oh, quand tout est noir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, et je prie pour te revoir. Et oh, oh, oh, j'attends le soir. Et oh, oh, oh, quand tout est noir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, et je prie pour te revoir.